إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. رواه مسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: كان زكريا نجارا. Donc c'est un hadith en trois mots seulement, facile à s'en rappeler. كان زكريا نجارا. Zacharia, alayhi salam, c'est un prophète, Zacharie, était, Nadjara, était un ébéniste, quelqu'un qui travaillait le bois. Ça peut être ébéniste, ça peut être charpentier. Rawah Muslim, rapporté par Muslim. Donc comme on voit, avoir un métier manuel n'est pas déshonorable, car les meilleurs des hommes, qui étaient les prophètes, avaient aussi des métiers manuels. Maintenant, nous allons prendre le cours de fiqh, inshallah. Et nous avons commencé hier dans le chapitre du jeûne, as-sawm, ou as-siyam. Et maintenant, nous prenons un nouveau sous-chapitre. Comme vous le savez, nous étudions le livre qui s'appelle Mukhtasaru Abi Shujar de l'imam Abu Shujar, rahimahullah, dans le fiqh al-Shafi'i. Et l'imam Abu Shujar, rahimahullah, a dit: Faslun, un chapitre. Mufsidatu saum, ce qui annule donc as-sawm, le jeûne. Et il a dit, rahimahullah, waladhi yuftiru bihi as-sa'imu 'asharatu ashya'a. Ce qui fait rompre le jeûne du jeûneur, c'est 10 choses. Awalan, la première, ma wasala 'amdan ila al-jawf, ce qui est parvenu volontairement, et la jov, donc jov, c'est-à-dire que c'est le ventre, d'accord? Tout ce qui est le ventre et à l'intérieur. Et on implique aussi les poumons. Tout ce qui est donc al jov, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la poitrine et du ventre. Donc, ce qui est parvenu volontairement, fil jov, donc dans cette cavité, tout à l'intérieur de la poitrine du ventre. Volontairement. Ça implique donc, comme on avait vu, la nourriture, toute chose qu'on peut avaler, ou boire, ou inhaler, ou respirer, comme la fumée de la cigarette. Ensuite, il dit Thanian aura's, ou la tête, c'est-à-dire ce qui va rentrer dans la tête. C'est par exemple. Comme par exemple faire entrer quelque chose à l'intérieur de la tête, soit par les yeux ou soit par le nez, par exemple. Ensuite, il a dit wal huknatu fi ahadis sabilain. Al hukna, on va dire la seringue, enfin utiliser une seringue ou ce qui est apparent à une seringue, d'accord, ce n'est pas obligatoirement une seringue, par un des deux orifices. C'est-à-dire faire rentrer dans quelque chose dans un des deux orifices par lequel on urine ou on défèque, d'accord? Donc faire rentrer par un de ces deux orifices quelque chose, ça fait rompre le jeûne chez l'imam Abu Shuja rahimahullah. Ensuite, il a dit quatrièmement, wal kayu amdan, le fait de vomir volontairement, d'accord? Volontairement, pas involontairement. Cinquièmement, walwat ou amdan fil farj. Alors, walwat, c'est l'acte sexuel, d'accord? Amdan, volontairement, comme on l'avait vu hier. Il faut que ce soit volontaire, tout ce qu'on voit ici, hein, c'est que ce soit volontaire. Si la personne est involontaire, c'est-à-dire s'il a oublié, par exemple, eh bien, ça n'en rompt pas le jeûne. Filferj, comme il a dit, hein. C'est filferj, ça veut dire que ça englobe les deux orifices aussi, comme vous pouvez le savoir. Sixièmement, wal inzalu an mubasharatin. Alors, wal inzal, et donc ça veut dire, alors linguistiquement, inzal, c'est le masdar du verbe anzala, donc faire descendre. Mais c'est un terme spécifique ici. An mubashara. An mubashara veut dire que là c'est pas mubashara directement, mais c'est du mot bashara, veut dire que, par rapport à un contact physique, c'est-à-dire sensuel. Ou al-inzal ici, c'est-à-dire faire sortir ce qu'on appelle al-mani, comme on avait déjà vu ça dans Tahara, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelle en français le sperme. Donc c'est le fait de le faire sortir volontairement, an mubasharati, avec un contact sexuel, veut dire que autre que par l'acte sexuel, d'accord? Comme certains le font avec par exemple la main. Ceci annule le jeûne. On va dire ici, on va faire une chose, une cible pour certaines personnes. Je vais dire une petite parenthèse pour certaines personnes qui ne le savent pas. Quand on se réveille et qu'on voit que dans le sommeil, c'est-à-dire qu'un véritable sommeil, d'accord, ce n'est pas une allusion ce que je dis, hein. La personne dort. D'accord? Il dort. Il se réveille et il trouve qu'il y a donc une tache humide, d'accord? Donc c'est Elmani qui est sorti, que ce soit l'homme ou la femme, hein, qui est sorti durant son sommeil. Et qu'il a dormi pendant la journée du jeûne. Ceci ne rompt pas le jeûne, d'accord? Parce que déjà, c'est pas âme, ce n'est pas volontaire, d'accord? C'est pendant qu'il dormait, il y a eu cette inzel, cette sortie du mani qui s'est produit. Par contre, il doit faire le ghusl de al-janaba, il doit se laver tout le corps pour la janaba. Il est en état de janaba, mais son jeûne n'est pas coupé. Il n'y a pas de problème. Septièmement, wal-hayd. Al-hayd, ce sont les menstrues, d'accord? Les règles pour les femmes. Si al-hayd vient dans la journée, eh bien, même si c'est un petit peu avant al-maghrib, eh bien, le jeûne est rompu. Huitièmement, an-nifas, c'est le liquide qui sort après que la femme est enfantée, d'accord, est accouchée. Comme on a détaillé tout ça, qu'on a étudié le c'est quoi la haid avec comment on reconnaît l'istihada, ce qu'on appelle l'istihada, etc. Et an-nifas, quand on a étudié le chapitre de la purification. Revenez à ce chapitre-là qu'on a étudié pour voir exactement tout en détail c'est quoi la haid, comment ça vient, etc. Neuvièmement, ce qui est donc la neuvième chose qui annule le jeûne, wal junoun, et le fait d'être possédé, d'être fou, d'accord? La personne qui est fou, eh bien, ça va rompre le jeûne, comme le dit l'imam Abu Shuja, rahimahullah. Dixième annulation, annulatif du jeûne, parce que les annulatifs de l'islam, on va les faire après, inshallah. Dixième annulatif du jeûne, wal ridda. Ah, tiens, c'est en rapport avec les 10 annulatifs de l'islam. Warridda, donc l'apostasie. C'est-à-dire devenir mécréant, de la grande mécréance, pendant que le musulman jeûne. D'accord? S'il devient mécréant, une apostasie dans la journée, par exemple après le dhol, il va faire un kufr, akbar, il fait un grand kufr, eh bien son jeûne est rompu. Et s'il fait un taouba une heure après qu'il redevient musulman, eh bien son jeûne. La parole la plus juste, Inch'Allah, c'est qu'il faudra qu'il récupère ce jeûne-là. Wallahu a'lam. Mais en tout cas, le fait d'avoir un ridda, ça rompt le jeûne. Parce que, pourquoi? Parce que le jeûne, c'est une adoration, c'est une ibada, d'accord? Et la ibada n'est pas valide, sauf s'il y a l'islam. Donc, si la personne devient murtad, apostat, durant la journée du jeûne, eh bien, son adoration s'annule par une des conditions de la première condition qu'on cite dans la validité de toute adoration, c'est l'islam. Il n'a plus d'islam. Voilà, nous avons fini les 10 annulatifs du jeûne. Et nous allons continuer après, Inch'Allah, les 10 annulatifs de l'islam. Nous continuons dans le jeûne. Ensuite, l'imam Abu Shujar, rahimahullah, a dit: وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ. Et il est bon, il est aimé, donc c'est pas obligatoire, mais c'est bien, dans le jeûne, de faire trois choses. Première chose, tarjil ul fitr, se dépêcher de rompre le jeûne. C'est-à-dire que quand l'heure de Maghreb est rentrée, quand on sait que l'heure de Maghreb est rentrée, on ne va pas attendre 5, 10, un quart d'heure par précaution. Ça ne se fait pas, ce n'est pas bon. dès qu'on a la connaissance que l'heure du maghrib est rentrée, même si le muezzin est en retard, si le muezzin est en retard, c'est pas lui qui est pris en compte, mais c'est le soleil. Quand le disque solaire est totalement couché à l'horizon, quand il disparaît à l'horizon, là, l'heure est rentrée, on a la certitude que le maghrib est rentré, même si le muezzin est en retard, et bien là, on rompt le jeûne. Deuxième chose qui est bon, et le fait de reculer à suhoor. À suhoor, c'est le fait de manger à la fin de la nuit, avant le fajr. Il est bon de le reculer un petit peu avant la rentrée du fajr, de l'heure du fajr. Troisième chose qui est bon de faire, الهجر سي الفحش اي القبيح من القول كالغيبة والكذب والشتم دونك سي لو فات دو ديليسي الهجر ترك الهجر من الكلام دونك ليسي لو هجر دو لا بارول كوم جي ديليسي الهجر سي الفحش والقبيح سي لا شوز لاد parmi لي parmi la parole comme par exemple الغيبة دونك ميديا comme vous savez والعياذ بالله واستغفر الله. Mais dire c'est un grand péché, c'est faire partie des kaba'ir, et c'est citer son frère de ce qu'il n'aime pas à ce qu'on cite de lui. Et c'est vrai, c'est pas un mensonge. Je connais un frère ou une sœur qui a fait quelque chose, d'accord, ou dit quelque chose, et je le dis aux autres, et il n'aimerait pas qu'on dise ça, qu'on répète ça de lui, c'est vrai, eh bien je fais du riba. Je fais du riba. D'accord, c'est ce qu'on peut traduire par la médisance. Je ne sais pas exactement si en français le mot médisance est bon pour ça, il faut voir sur un dictionnaire, mais exactement, c'est comme l'a défini le prophète, c'est dire quelque chose de vrai de ton frère, et qu'il déteste à ce qu'on entende cette parole de lui. D'accord? Parce que si jamais c'est un mensonge qu'on dit sur lui, c'est ce qu'on appelle burtan. C'est un mensonge proféré. Et an-namima, c'est encore autre chose, an-namima, qui est aussi un grand péché. C'est de fait, Namima, c'est le fait de répandre la haine entre les musulmans, d'accord? En disant des choses vraies ou des choses fausses sur les personnes. Mais le but voulu, c'est de semer la discorde. Que cette personne haïsse cette personne, et etc. Ça, c'est ce qu'on appelle Namima. En utilisant la vérité ou le mensonge, d'accord? Et quelqu'un qui dit une chose une vraie, même s'il ne veut pas semer la discorde, mais il dit une chose vraie comme ça, on va dire entre guillemets, mais ça serait faux, innocentement, d'accord, d'une personne, d'un frère ou d'une sœur, ouais, il a fait ceci, il a dit cela, etc. Donc il va répéter quelque chose de vrai, et donc que la personne n'aimerait pas, et bien ça c'est du riba, il faut faire attention car on tombe très facilement dans le riba. Le fait de citer un frère ou une sœur, qu'il ait fait ceci, il fait cela, il dit ceci, il dit cela, c'est du riba. Voilà, bien sûr, elle rouge, c'est une chose qui est interdite même en dehors du jeûne. Mais quand on jeûne, c'est encore plus, car il y a un hadith, comme vous devez le connaître, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de laisser tout le mensonge et tout ça, toutes ces paroles mauvaises quand on jeûne, car Allah, si on ment notamment, Allah n'a pas besoin de notre jeûne. Ensuite, l'imam Abu Shujar rahimahullah a dit وَيَحْرُمُ سِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامِ. Et il est يَحْرُمُ, donc c'est tahrim, c'est haram, c'est totalement interdit, c'est pas déconseillé, mais interdit de jeûner 5 jours. C'est quoi ces 5 jours? Il le dit الْعِيدَانِ, les deux fêtes. Donc le jour de la fête الْعَضَحَ, le jour de la fête al-fitr, c'est interdit, c'est haram de jeûner. Wa ayyam at-tashriq al-thalatha, et les trois jours qu'on appelle at-tashriq, qui sont les trois jours qui viennent après la fête de al-adha, d'accord? Après la fête de al-adha, il y a ce qu'on appelle ayyam at-tashriq. Donc ça fait quatre jours consécutifs. Là, c'est haram de jeûner pendant ces cinq jours. Ensuite, l'imam Abu Shujar rahimahullah a dit wa yukrahu, d'accord, et ici je vais dire une parole de l'imam Al-Razi rahimahullah, qui a fait donc le charh de ce livre qu'on est en train de faire. Il a dit yukrahu tahriman, c'est-à-dire que c'est déconseillé, mais au niveau du haram aussi, d'accord, de faire quoi? Somu yawm shak, de jeûner le jour du doute. C'est quoi le jour du doute? C'est le jour avant le premier du mois de Ramadan, parce que quand on suit la lune à l'œil, non pas au calcul, il y a ce qu'on appelle le jour du doute. D'accord? Donc c'est ce jour-là. Sauf si ce jour du doute est en accord avec une habitude à lui. Une habitude, ça veut dire qu'il jeûne habituellement ce jour-là. C'est-à-dire qu'il va jeûner le jour du doute. Non pas par précaution, comme ça, si jamais au cas c'était le mois de Ramadan, eh ben, il aura jeûné. Son intention, ce n'est pas ça. Son intention, c'est juste de jeûner ce jour où il a l'habitude de jeûner. Exemple, quelqu'un qui jeûne régulièrement le lundi, toute l'année. Eh bien, si par exemple, vous savez que dans un mois lunaire, il y a 29 ou 30 jours, pas plus ou pas moins, hein, c'est 29 ou 30 les mois lunaires. Et le lundi, c'est le 30 ou le premier, donc c'est le 30 de Charban ou le premier de Ramadan, c'est le jour du doute. Et cette personne a l'habitude de jeûner le lundi, et donc ça tombe le lundi, le jour du doute. Donc, il est autorisé à cette personne de jeûner le lundi, mais sa niya, son intention, c'est quoi? C'est pas de jeûner par précaution afin d'avoir le mois de Ramadan au cas où les gens se sont trompés. Non, c'est seulement de jeûner le jour où il a l'habitude de jeûner, c'est-à-dire le lundi. Ensuite, l'imam Abu Shuja a dit: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. Donc celui-là qui fait ce qu'on appelle le verbe wati'a, al-wata'a, qui est aussi al-jima'a, d'accord? Donc c'est l'acte sexuel, d'accord? Finahar Ramadan, dans la journée du Ramadan, donc ce n'est pas le soir, parce que le soir, on n'est pas autorisé d'avoir des rapports sexuels, d'accord? Amidan, là il n'y aurait pas encore, amidan, c'est-à-dire que volontairement, si c'est un oubli, ce n'est pas ça, donc le jeûne est toujours bon. Mais si il a fait Ramidan volontairement, qu'est-ce qu'il a fait le farj? Donc dans le farj, et le farj s'englobe el kouboul ou el doubour, c'est-à-dire les deux orifices, d'accord, soit qui est devant et soit qui est derrière de la femme. Qu'est-ce qui se passe? Fa'alhil qada, donc il doit refaire ce jour de jeûne, parce qu'il a rompu ce jeûne, donc il faudra qu'il le refasse après le mois de Ramadan, ou el kaffar. Et l'expiation, c'est-à-dire qu'il doit expier ce péché qu'il a fait. Et il y a divergence. Est-ce que, je vous dis maintenant, est-ce que ce péché, est-ce que cette expiation de kafara est seulement pour l'acte sexuel ou pour toute chose par laquelle on rompt le jeûne, comme par exemple le fait de boire ou de manger? Il y a divergence sur ceci. Certains savants disent que tout jeûne qui a été toujours de jeûne obligatoire, qui a été rompu, d'accord, volontairement, par n'importe quel que ce soit le rapport sexuel ou le fait de manger ou de boire, eh bien donc, il faut qu'il fasse une expiation qu'on va voir. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah, ce n'est pas ça, c'est que c'est seulement l'expiation, elle est seulement pour l'acte sexuel, car dans le hadith, il n'est seulement cité que pour l'acte sexuel, d'accord? Donc c'est quoi le kafar, l'expiation à faire? C'est le fait d'affranchir, donc de libérer raqaba, un esclave mu'mina croyant. D'accord? Donc quelqu'un qui a fait ça pendant une journée du mois de Ramadan, alors qu'il est en train de jeûner, donc il fait l'acte sexuel. En détail, pas en détail, mais c'est un détail, que ça soit avec une femme avec laquelle il a le droit à la base d'avoir un rapport sexuel ou non. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un rapport sexuel avec sa femme ou avec sa femme esclave, il a le droit à la base. Mais là, donc, c'est interdit, ça, il rompt son jeûne, il doit faire rattraper ce jour et faire l'expiation. Pareil si jamais il fait zina. Pareil s'il fait zina. S'il fait zina, s'il fait un acte sexuel en dehors du mariage ou en dehors d'une femme esclave qu'il possède, donc là c'est pareil. Donc là il fait le péché de zina, mais aussi il fait le péché d'avoir rompu le jeûne par l'acte sexuel, il doit faire l'expiation. Et c'est quoi donc par quoi il va expier? Le fait donc d'affranchir un esclave croyant ou une esclave croyante, il a le choix. Raqaba, ça englobe les deux, hein, bien que le mot est féminin. Et donc, si jamais c'est un esclave mécréant, ce n'est pas bon, il faut que ça soit donc un esclave ou une esclave croyante, musulmane. Enfin, il l'a mis à gêner. S'il ne trouve pas d'esclave croyant, qu'est-ce qu'il fait? فصيام شهرين متتابعين. Donc il doit jeûner 2 mois متتابعين consécutifs. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'arrêter quand il jeûne les 2 mois. D'accord? Sauf si ça tombe pour un jour de jeûne interdit, comme par exemple le jour de l'Aïd et des 3 jours qui viennent après. Sinon, il ne doit pas s'arrêter quand il jeûne les 2 mois consécutifs sans s'arrêter. Fait l'ami, c'est-à-dire, et s'il ne peut pas, par exemple, s'il est malade ou quoi, qu'il ne peut pas faire ça, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas d'esclave. Ensuite, il peut pas jeûner 2 mois consécutifs. Fait Itaam ou Sittina Miskin. Donc, il doit nourrir 60 pauvres. Les Kulli Miskin, Moud, pour chaque pauvre, la Moud, on a vu ça, Moud, c'est une. C'est le fait de rassembler les deux mains et de prendre la nourriture en rassemblant les deux mains, d'accord? Quand on a les deux mains rassemblées, Moud, donc il doit nourrir 60 pauvres avec l'équivalent de ce qu'on appelle Moud, en blé ou en riz ou en la nourriture de base avec une nourriture. Ensuite, l'imam Abu Shujar, rahimahullah, dit وَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ صِيَامٌ مِنَ رَمَضَانَ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدْ. Et celui qui est mort, qui est décédé, وَعَلَيْهِ صِيَامٌ, et qui avait un jeûne qui était obligatoire, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort alors qu'il devait rattraper, par exemple, des 3 jours, on va dire, du mois de Ramadan, d'accord? Il devait les rattraper parce qu'il était en voyage ou autre. Qu'est-ce qu'on fait? Otaima, donc on nourrit Anhu pour lui, les Kuliyoin pour chaque jour, Mood, donc de cette mesure. On donne à un pauvre la mesure de Mood, ça récompensera. Ça, c'est un avis. Et il y a un autre avis dans le Mazhab Shafi'i qui est Al-Qadim, l'avis, Al-Qadim, qui est l'ancien. Le fatwa de l'imam Shafir, rahimahullah, qui est inshallah, et qui est le rajih, qui est l'avis le plus juste. C'est quoi? La yata'ayyanu l'it'amu bal yajuz lilwayi aydan an yasum anhu bal yusannu dhalika wa huwa rajih. Ce n'est pas obligatoire de ce qu'on vient de voir, de nourrir un pauvre pour chaque jour que la personne n'a pas pu. N'a pas pu jeûner et doit envers Allah ce jeûne, mais il est autorisé pour Al-Wali, donc celui-là qui va être responsable de lui, donc c'est parmi les gens de sa famille, Aydan Aniyasum Anhu, à ce qu'il jeûne à sa place. D'accord? Par exemple, quelqu'un était en voyage et pendant une journée il n'a pas jeûné. Et ensuite, une semaine après, il meurt. D'accord? Et bien, son fils peut, il peut jeûner cette journée-là, et sa niya, c'est pour son père. Il y a un hadith dans ceci. Ensuite, l'imam Abu Shujar, rahimahullah, a dit Wa sheikhu in ajza an issom, yuftiru wa yutamu an kulli yomin mudda. Et le cheikh, donc le cheikh ici, c'est-à-dire la personne qui est âgée. Car le mot cheikh en arabe, on l'utilise pour 2 choses. C'est celui-là qui a atteint un grand niveau, soit dans la science ou soit dans l'âge. Donc on dit une personne âgée, même si c'est un ignorant, on dit que c'est un cheikh. Il est rentré, il a ce qu'on appelle un cheikhour. D'accord? C'est quelqu'un d'âgé. Donc le cher dans la personne âgée, et sachez que c'est aussi pour al marid alladhi la yurja barruhu in rajan kull minhum, et c'est aussi le cas du malade, celui dont on n'espère pas sa guérison, d'accord? Donc la personne âgée ou celui qui est malade et qui n'espère pas sa guérison, et donc la maladie l'empêche de jeûner, hein, faut comprendre ça. Yuftiru wa yut'im an kulli yawmin mud, et ben il rompt le jeûne, donc il ne jeûne pas, et il nourrit pour chaque jour, donc l'équivalence d'un ce qu'on appelle un mud, d'accord, c'est le fait de ramener ses 2 mains et en prenant du blé ou de notre nourriture. Bien sûr, il doit faire ceci après le fajr, d'accord. Certains savants disent bien que ceci doit être la nourriture qui doit être donnée Après la prière Fajr, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui sait qu'il ne va pas jeûner pendant tout le mois de Ramadan, il n'a pas le droit de donner cette nourriture 30, donc à 30 pauvres avant la rentrée du mois Ramadan. Ce qu'il peut faire, c'est qu'une fois que le jour, que le Fajr de rentrée, donc là, à partir de là, il peut donner le mood de cette journée-là à un pauvre. Mais il faut au minimum que l'heure de Fajr soit rentrée. Ensuite, l'imam Abu Shouar, rahimahullah, a dit. Attends, a dit Walhamil wal mourdia. Walhamil, donc c'est celle qui est enceinte. Walmourdia, c'est la femme qui allaite. In khafata ala anfusihima. Si les deux ont peur sur elles-mêmes. D'accord? Donc elles ont peur que si jamais elles jeûnent, ça va porter atteinte à l'enfant qu'elles portent ou à l'enfant qu'elles allaitent. Aftarata wa alayhima al-qada. Donc elles rompent le jeûne, il n'y a pas de problème, elles ne jeûnent pas depuis le début de la journée. Alayhima al-qada. Et elle doit qada récupérer. Ou si elle est en train de jeûner et puis que dans la journée elle voit que si elle ne mange pas, ça va porter préjudice à son enfant. Ou comment dirais-je excusez-moi, ça va porter préjudice sur elle, pas sur l'enfant ici pour l'instant, c'est sur elle. Donc elle rompt le jeûne dans la journée ou depuis le début de la journée elle ne jeûne pas et elles doivent récupérer ce jour. Ensuite, l'imam Mouchoula, il dit, wa in khafata ala auladihima. Et là, si elles ont peur sur leur enfant. Donc, ça porte préjudice à leur enfant. Aftarada, ulma al-qada, wa al-kaffara, an kulli yawm mud. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans le madhab, on est dans le madhab Shafi'i ici. Elles rompent le jeûne, soit dans la journée, ou depuis le début de la journée. Wa alayhima al-qada, et donc, à eux deux, donc c'est-à-dire la femme enceinte, celle qui allait, al-qada, donc elles doivent récupérer ce jour-là. Après le mois de Ramadan, ou al-kaffaratu, ils doivent faire ici on sait en plus, al-kaffara, l'expiation, mais c'est quoi? An kulli yawmin mud. Et, c'est-à-dire que de chaque journée, elles doivent donner l'équivalence de ce qu'on avait un mud à un pauvre. Ça, c'est si elles ont peur, si elles rompent le jeûne, par peur pour leur enfant. Si c'est par peur pour elles-mêmes, elles ne font que récupérer le jour de jeûne sans expiation. D'accord? Ça, c'est dans le mazhab Ash-Shafi'i. Dans un autre, il y a plusieurs avis sur ceci. Il y a un autre avis qui dit que même que ce soit pour qu'elle a peur pour elle-même ou pour son enfant, elle fait al-qada bi-ghayri kafara, donc elle va récupérer ce jour-là sans faire d'expiation, et c'est l'avis le plus juste, inshallah. Et il y a un autre avis qui est rapporté de Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Elle fait quoi? C'est le fait de juste de nourrir donc une personne pauvre pour chaque jour, que ce soit la femme enceinte ou celle qui allait, et même si qu'elle ait peur pour elle-même ou pour l'enfant. D'accord? Donc elle n'aura pas pour lui, pour une Abbès, elles n'auront pas à refaire ce jeûne, mais comment dire, elle donne à manger juste à un pauvre pour chaque jour qu'elles n'ont pas jeûné. Voilà. Wallahu a'lam. Allah est le plus savant. Ensuite, l'imam Abu Shouar, rahimallah, décrit c'est quoi le mood, comme on l'a vu, nous on l'a vu exactement le mood, c'est quand on ramasse, quand on réunit les deux mains, et dans son, comment dirais-je, à son époque à lui, il disait que c'était un rotlun wa thuluthun bil iraqis, donc c'est une mesure qui s'appelle un rotl, et ainsi que le tiers du rotl bil iraqi par la mesure irakienne. D'accord? Ensuite, l'imam Abu Shaja, rahimahullah, a dit: Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yagdiani. Et le malade, ainsi que celui qui est en voyage, comme il dit sa femme Tawiran, d'un grand voyage, c'est-à-dire d'un voyage qui lui permet de raccourcir ses prières, donc toutes les prières qui sont en 4 à la 4 deviennent en 2, donc c'est-à-dire 4 sur 5, et il reste la troisième, il a la cinquième qui est le Maghreb, qui reste en 3, d'accord? Et ainsi le voyage notamment où il peut réunir les deux prières. Quand une personne est dans son voyage avec ces lois-là, eh bien s'il veut, il peut ne pas jeûner ou jeûner durant son voyage. On s'arrête ici, Inch'Allah, les 21 h. Et demain, bi'iznillah, on finira par l'i'tikaf. Et après, on prendra dans le chapitre, dans le livre du Hajj, Inch'Allah. Donc, là, je vais voir si vous avez des questions. Normalement, il n'y aura pas trop de questions, je pense, sur le jeûne. C'est une chose qu'on fait une fois par an régulièrement. Alhamdulillah, le jeûne en lui-même est simple. Vous remarquerez que dans le livre qu'on fait, là, le Mortassar, donc le résumé, on va voir avant tout, et après, il est encore plus, il va plus s'approfondir. Et là, comme on l'a deviné, par exemple, il ne rentre pas dans les jeûnes qui sont tatawwu, qui sont surérogatoires. D'accord? C'est quand plus on apprend, plus on va s'approfondir dans le fiqh, plus on va voir comment dirais-je, on va voir en détail des problèmes du fiqh. Alors, comment savoir une question, comment savoir quel avis est le plus juste en fiqh? C'est pas que le fiqh, même dans la aqida, quel avis est le plus juste? Eh bien, c'est celui-là qui est le plus juste et le plus proche du Coran et de la Sunna. Voilà. Alors, j'en ai déjà parlé de ça, de ce problème-là. Comment faire pour voir si quel avis est le plus juste? Comme je l'ai dit, il faut d'abord être sincère envers Allah, je veux pas laisser son nefs aller vers tel ou tel avis, et voir c'est lequel qui est le plus proche par rapport au Qur'an et à la Sunna. Car comme vous le savez, Allah Azzawajal a dit: « فَإِنْ تَزَارَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولٍ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » Et si vous divergez en une chose, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, renvoyez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. D'accord? Donc c'est ça la base. Maintenant, certains savants se basent sur des hadiths et certains sont faibles. Et des fois, il y a divergence entre les savants. Est-ce que ce hadith, il est faible ou est-ce qu'il est authentique? Donc déjà, là, il faut rentrer dans la science du hadith. Ensuite, il y a l'interprétation du hadith. Suivant, notamment dans certaines règles de usul fiqh, suivant les savants peuvent diverger dans ce qu'on appelle usul fiqh. Et là, ils vont prendre plus, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une interprétation qui peut diverger de l'autre par rapport à ça. Ensuite, Abu Mouraz demande: est-ce que la femme enceinte qui doit donner de l'argent aux pauvres? Donc, est-ce que la femme enceinte ou qui est doit-elle donner de l'argent aux pauvres? Alors, c'est de la nourriture. D'accord? L'équivalent, c'est de la nourriture qu'il faut donner. Et dans la zakat. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce problème-là. Il ne me semble pas. C'est dans la zakat aussi. Dans la zakat al-fitr, on donne dans la zakat al-fitr, on donne, comme on avait vu, de la nourriture. Dans le mazhab al-hanafi, ils autorisent à ce qu'on donne autre chose que la nourriture, c'est-à-dire que de l'argent qui équivaut à la nourriture. Alors, le problème, c'est que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait et ne l'a dit, ne l'a indiqué, et ni les sahaba qui sont venus après. Or, certains disent: oui, mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas, comme pour nous, de l'argent, etc. Ils n'avaient pas des dettes, etc. C'est cette personne qui parle comme ça, parle avec une grande ignorance sur ce que était, sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Comme on a vu, le dinar, le dirham existait. D'accord, la pièce d'or, la pièce d'argent existait, et ils avaient des fois des dettes. C'est pour ça que d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des gens qui ont des dettes, comment on fait, etc. Donc, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des personnes qui avaient besoin d'argent, d'or et d'argent. D'accord? Donc l'avis le plus juste, c'est que comme c'est à la base l'avis des trois écoles, donc Shafi'i, Maliki et la Hanbali, ça ne suffit pas de donner de l'argent à la place de la nourriture pour la zakat al-fitr. Il faut donner la nourriture telle qu'il est demandée. Ceux qui donnent de l'argent à la place, eh bien, ce n'est pas valide. À notre époque, beaucoup de savants des autres mazhabs, hein, comme Malikite et Shafi'i, ont pris les mazhabs Hanafi parce que ça arrangeait un peu tout le monde. Et je ne veux pas dire que les gens deviennent de plus en plus fainéants, mais paresseux, mais bon, à en croire. Donc à votre époque, à notre époque, on peut trouver des savants, des roulamas, des chouvours, notamment qui sont proches des gouverneurs qui gouvernent mal et qui aiment bien se faire aimer des gens, à ce qu'ils disent, bon, allez-y, donnez de l'argent et c'est bon. Et bon, pour ce qui est de la question de al-kafara, pour ça, donc, c'est un moud. C'est de la nourriture, pas son équivalence en argent. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Une autre question, un musulman du comment peut-il décider où il doit forcément peut le décider où il doit forcément suivre quelqu'un. Donc c'est par rapport à l'autre question, par rapport au fiqh. Je ne dirais pas forcément, mais la chose qui est le plus conseillée et qui a, on peut dire, toujours été fait, même à l'époque des Sahaba, quand il y avait des grands Sahaba comme Abbas ou autres, eh bien ils avaient des élèves. D'accord? Comme par exemple Mujahid qui est un élève d'Ibn Abbas. Eh bien, ces élèves-là, ils prenaient le fiqh de leur professeur. D'accord? Et une fois et après, ils allaient voir d'autres professeurs. Et suivant si ils voyaient que l'autre avait raison sur tel sujet, eh bien, ils sont changé leur avis par rapport à ça. Et donc, c'est une chose qui s'est toujours faite. Avant même qu'on dit qu'il y a les quatre écoles, donc avant même que Abu Hanifa ou autre le faisait, d'accord? Était là, et c'est ce qu'on est conseillé de faire, c'est qu'une personne, surtout au début de son talab, de sa recherche de la science, il va prendre soit un madhab, ou un livre, ou un cheikh, ou un alim, ou un prof, et il va prendre cet avis-là, d'accord? L'avis, par exemple, s'il prend un madhab, par exemple, ben on est dans le madhab Shafi'i, dans le madhab Shafi'i, il va prendre, comme on fait maintenant, par exemple, il va apprendre le madhab Shafi'i, d'accord? Mais si pendant sa vie, il suit un cours avec une autre personne, ou qui va lire un livre, ou écouter une cassette, ou je ne sais quoi, bref, il va prendre une science sur un sujet, et il va voir que, soit dans le livre, ou le cheikh, ou autre, diverge de ce qu'il y a appris sur son mazhab, par exemple, mazhab Shafi'i, et que donc l'autre, on va dire par exemple le madame Maliki, d'accord, sur un point précis, d'accord, il voit qu'en fin de compte, sur ce point précis, le madame Maliki est plus proche du Coran et de la Sunna, et bien sur ce point, il laisse son madhab et il prend l'avis qu'il voit qui est le plus juste par rapport au Coran et à la Sunna. Et si jamais il ne voit pas. Il ne peut pas voir entre les deux, c'est lequel qui est le plus juste, eh bien il reste sur ce quoi il est au début, et il ne va pas chercher à suivre son nefs, par exemple, qui va dire, oh, mais tu as le choix, prends ce qui t'arrange, toi tu es par exemple quelqu'un qui a un nefs, qui aime bien le tashaddoud, bien qu'elle se rende dure, il va prendre toujours les avis qui sont durs, et quelqu'un qui est plutôt tasahoul, a toujours à prendre la facilité, il va prendre les avis qui sont plus faciles, d'accord? Et ça, c'est jouer avec notamment la religion d'Allah, il ne faut pas faire comme ça, non. Pour être s'innocenter de ce genre de comportement, ce qu'on fait, on reste sur un mazhab ou quoi. Et quand on doute, quand on ne sait pas entre les avis, c'est lequel qui est le plus juste par rapport au Qur'an Sunna, on reste sur notre école ou sur le cheikh ou autre. Et quand on voit que sur un point, non, le mazhab, moi j'estime qu'en fin de compte, là, par rapport à un verset ou à un hadith ou quoi, là, sur ce sujet-là, il s'est trompé, je prends l'autre avis. Voilà. Alors, il y a seulement sa femme enceinte qui allait et qui doit donner l'argent aux pauvres. On a vu qu'il y avait aussi le Hachir al-Kabir, donc la personne qui est très vieux, parce qu'il ne peut pas, comment dirais-je, la personne qui est très âgée et qui n'a pas la possibilité de jeûner, sinon ça lui porte préjudice à sa santé, ou la personne qui n'est pas vieux, qui n'est pas vieille, pardon, la personne qui n'est pas vieille, mais qui a une maladie, donc comme je l'ai dit, dont ils n'espèrent pas la guérison. Donc eux, ils rompent le jeûne et ils vont aussi, comme on l'a cité, comme l'imam Abu Shuja l'a cité, ils vont donner à la place du jour, ils vont nourrir un pauvre, d'accord, par jour. Avec toujours cette équivalence de Al-Mud, l'équivalence on prend les deux mains et on prend la nourriture avec, avec les deux mains. Voilà, Inch'Allah, on s'arrête ici pour le jeûne et on va apprendre les innovatifs de l'islam dans le cours du Tawhid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Donc, pour pas qu'il y ait de débordement. Donc, nous avons commencé à lire la Risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui s'intitule Nawakid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Et j'étais toujours dans, on va dire, la présentation et la mukaddima, la préface, avant de rentrer, de commencer à prendre le premier, deuxième, troisième, etc. annulatif. Je crois que je m'étais arrêté hier sur la parole de Tajuddin Subki, rahimahullah. Oui, c'est ça. D'accord. Donc maintenant, on va prendre, voilà. إقامة الحجة هي توافر شروط التكفير معين السبع. Donc le fait de poser l'argument, c'est quoi? C'est le fait de remplir les conditions du takfir al-mu'ayyan d'une personne précise, à savoir qui sont au nombre de 7. C'est pas les personnes qui sont au nombre de 7, mais c'est les conditions. D'accord? Du takfir. Les 7 conditions du takfir qu'il faut qu'ils soient présentes pour faire un takfir sur une personne précise. Al-mu'ayyan, c'est-à-dire une personne précise. Mu'ayyin wa zashars. On précise cette personne. Sinon, c'est un takfir umum, c'est un takfir général. Et quand on peut dire, par exemple, si je dis celui qui dit telle parole, c'est un kafir, ça ne veut pas dire que toute personne qui va le dire est obligatoirement kafir. C'est autre chose. Je vais faire ce qu'on appelle un takfir général, mais après, pour le mettre sur une personne précise, là, il faut les conditions. D'accord? Et suivant les kufr ou les shirk, il y a, comme on va le voir, Inch'Allah, les conditions ne sont pas à remplir. Par exemple, on va le voir, Inch'Allah. La première condition, c'est Al-Aql, la raison. Donc, une personne qui va dire ou faire une parole de kufr, eh bien, il faut qu'il soit, pour faire un takfir sur lui, il faut la première condition, c'est qu'il soit Aql, donc il ait la raison. Maintenant, je vais vous dire dès maintenant d'ailleurs, on dit qu'il y a les 7 conditions et il y a les 7 empêchements du takfir. D'accord ? Ash-shurut as-sab'a wal-mawani' as-sab'a. Les 7 conditions, les 7 empêchements du takfir. C'est quoi les 7 empêchements ? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que le contraire des conditions. C'est très simple. D'accord ? C'est vraiment très simple. Contrairement à ce que certains veulent faire comprendre. C'est-à-dire quoi? La première condition, on dit que c'est l'aql, la raison. Il faut que la personne ait, ait sa raison. Eh bien, la première interdiction de takfir sur une personne, c'est le contraire de l'aql, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas l'aql. D'accord? Comme par exemple qui? Al-Majnoun, celui qui est fou, qui est possédé ou qui a une folie, qui lui empêche, qui lui a enlevé son aql, sa raison. Autre exemple, quelqu'un qui est sous. D'accord? Quelqu'un qui est ivre et qui ne sait plus ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il a plus son racle, il a plus sa raison, et bien s'il dit ou il fait une parole de kufr, eh bien il n'est pas kafir. Bien sûr, comme vous savez, il fait un grand péché par rapport à l'alcool, mais il ne fait pas de kufr. Deuxième condition, el-burur. Donc il faut que la personne, en plus qu'elle ait sa raison, donc sain d'esprit, il faut qu'il ait el-boulour. El-boulour, on a déjà vu dans le fiqh plusieurs fois, c'est la puberté. car la majorité en islam s'atteint à la puberté. Ce n'est pas 18 ans ou 21 ans, comme dans certains pays c'est 21 ans, c'est la puberté. Et comme on l'a vu, la puberté, c'est par exemple avoir 15 ans à l'année lunaire, ou avoir l'mani qui est sorti, d'accord, ou les poils qui sont sortis au niveau de l'aine. Et une autre condition pour qui est spécifique aux femmes, c'est qu'elle haid, donc les menstrues sont venues. Et ça ne peut pas être avant 9 ans, d'accord? Donc entre 9 ans et 15 ans. Donc, le deuxième manière, le deuxième empêchement de taïfir, c'est quoi? Eh bien, c'est Asirar, c'est le fait d'être jeune, être trop jeune, c'est avant Boulour. Donc, ça veut dire qu'une personne, un enfant de famille musulmane, car un enfant qui est né d'une famille musulmane ou qui est né et un de ses deux parents est musulman, un des deux, pas obligé de savoir le père, si c'est que la mère, eh bien, il est musulman. Comment ça que la mère? Bah, par exemple, la mère, une femme musulmane a fait zina avec un kafir, d'accord? Eh bien, l'enfant né d'une mère musulmane et on sait enfin, que le père est un kafir. Eh bien, cet enfant né musulman. Enfin, Starfullah, je vais être plus précis, il n'est pas musulman, parce que vous le savez, tout enfant né sur la fitra musulman, mais il est d'une famille, d'un des deux parents musulmans, donc après, quand il viendra la puberté, il sera considéré musulman obligatoirement. Obligatoirement, il n'y a pas le choix, ni pour les parents, ni autres. Donc faites attention hein, pour ceux qui, notamment, sont influencés, les personnes influençables, comme on entend parler, hein, les terroristes, non, ceux qui sont influençables, très influençables, notamment dans le Dar al-Kufr, et qui se font influencer par la démocratie, la laïcité et autres mécréances, et influencer comme quoi, non, il faut laisser les enfants choisir leur religion, etc. Quand ils seront grands, ils choisiront ce qu'ils veulent. Voilà, yazbillah. Ils choisiront entre on laisse leur choix pour savoir s'ils auront la mécréance ou pas. Non. En islam, ça ne marche pas comme ça. L'enfant suit obligatoirement, s'il n'est qu'un des parents musulmans, et bien, il suit le parent musulman. Voilà, donc maintenant je reviens à l'exemple. Un enfant qui est de famille musulmane, qui a 6 ans, qui va dire au faire du coufre, eh bien il n'est pas un kafir. Il est toujours musulman. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a cet empêchement qui est le jeune âge. Pardon. Quand c'est devient pubère, on va dire 15 ans, on va prendre le plus possible, c'est 15 ans année lunaire. Si à 15 ans année lunaire, il dit un coufre ou il fait un coufre, eh bien il devient un kafir. Bien sûr, comme on a vu, il faut que les autres conditions, c'est notamment elle racle la raison. La troisième condition, c'est l'ilm, la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire que quoi? Que cette parole ou cet acte, en fin de compte, eh bien c'est interdit, c'est du kufr. Et là, on va détailler quelque chose ici. Hein. Donc, si certains veulent, on va voir, d'accord? C'est quoi le contraire de l'ilm? Comme on a vu notamment dans Short La Ilaha Illallah, on a vu le contraire de l'ilm. Normalement, vous devez tous répondre, si vous avez bien, vous rappelez bien du Short La Ilaha Illallah, le contraire de l'ilm, de la connaissance, c'est quoi? Ben, c'est al-jahl, c'est l'ignorance. Ça veut dire quoi? Que si une personne est ignorant, que ceci est du kufr ou d'accord, eh bien, il est excusé par l'ignorance. Mais comme on va bien détailler, Inch'Allah, plus ou moins bien détailler, Inch'Allah, pour ce qu'on appelle l'excuse de l'ignorance qui a fait boucouler et qui fait encore boucouler d'encre, ce n'est pas tout kouf, ce n'est pas toute mécréance qu'on excuse par l'ignorance. D'accord? Et certains kouf, certaines mécréances, on donne l'excuse de l'ignorance et on élargit, et dans d'autres, on donne l'excuse de l'ignorance mais on rétrécit. C'est-à-dire que c'est vraiment deux cas très précis, et ça, on va y venir, Inch'Allah. Bien que je vous expliquer un petit peu maintenant, je donnais un exemple où l'excuse de l'ignorance, eh bien, il n'y a pas d'excuse de l'ignorance. Par exemple, quelqu'un qui insulte Allah Azza wa Jal. L'excuse de l'ignorance, si par exemple quelqu'un qui insulte Allah, il dit du kufr, c'est un kafir, c'est un murtad, c'est un mécréant apostat. Quelqu'un peut dire, oui, mais il est ignorant, il ne savait pas qu'il ne fallait pas interdire. Il ne savait pas qu'il ne fallait pas insulter Allah Azzawajal. Ça, c'est une chouba, c'est une ambiguïté. Comme on va le voir, Inch'Allah, dans les annulatifs de l'islam, Inch'Allah, Allah Azzawajal a dit une parole qui est très claire sur ceci. Pour ceux qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses sahaba, Allah a dit ceci: Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru. Et c'est ici le shahid, le témoin du verset, c'est ici: La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. C'est par rapport aux gens, comme on voit en détail quand on va étudier cette annulative de l'islam, les gens qui sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après qui se sont excusés et qui disaient: on ne faisait rien de mal, on faisait juste que plaisanter, on ne savait pas. D'accord? Eh bien, Allah Azza wa Jal lui-même a dit ceci: Qul, dit, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager, que vous étiez à plaisanter, à prendre en raillerie? Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit: La tartadiru al-udr. D'accord? Ne prenez pas d'excuses, ne prenez de udr. La tartadiru. Ne prenez, cherchez pas d'excuses. Qad kafartum ba'da imanikum. Certes, vous avez mécru après avoir la foi. Et comme Ibn Taymiyyah le dit, ce ne sont pas des munafiqoun, c'était des croyants, mais ils sont venus kuffar après à s'être moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir en fin de compte l'intention de devenir mécréant. Parce que, comme Allah je le dit, Qad kafartum ba'da imanikum, certes vous avez mécru après avoir eu la foi. Donc là, il n'y a pas l'excuse de l'ignorance, comme c'est ici marqué. Et comme le cheikh notamment Mohamed Wahhab, rahmallah, l'a dit d'une manière explicite, clair et net au début de son livre, s'appelle Keshfu Shubuhat notamment. Donc voilà, une excuse de l'ignorance par exemple, où on va prendre l'excuse de l'ignorance pour pas de faire taxer sur une personne. Exemple, une personne, un mécréant, chrétien, juif, bouddhiste, athée, je ne sais quoi, parmi les religions de la mécréance qui ne sont qu'une seule religion, la religion du shaitan, veut devenir musulman, Ahlan Salam, bienvenue dans l'islam. Et donc il va venir et il va devoir devenir musulman. Donc on va lui expliquer la shahada. Il fait aider la shahada, il devient musulman. On lui dit, là c'est l'heure de la prière, il faut que tu fasses la prière, sache qu'elle est obligatoire, c'est les 5 piliers. Il fait la prière, il faut qu'il parte. Après une heure, on va dire, il part. Il rencontre d'autres musulmans. Et discute avec ses musulmans, et d'un coup il dit: tiens, moi je vais boire un verre de vin. Et les autres musulmans font: pourquoi tu vas boire du vin, pourquoi? Et l'autre, le soi qui vient juste de se convertir, va dire: pourquoi j'en boirais pas, ce n'est pas interdit, Dieu, Allah n'a pas interdit l'alcool, c'est autorisé. Donc qu'est-ce qu'il a fait cette personne qui vient juste de se convertir? Il a dit une parole de kufr. Pourquoi? Parce que cette parole là de dire que l'alcool est autorisé par Allah, donc dans l'islam ce n'est pas interdit, c'est une parole de kufr, parce que c'est renier quelque chose qui est connu de la religion par nécessité. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle du juhud. Il a certes donc renié, il a dit une parole qui est donc, qui fait quoi? Qui renie une chose qui est connue de la religion par nécessité. D'accord? Et les versets sont clairs, ainsi que les hadiths, il n'y a aucune divergence. Mais seulement on ne fait pas de takfir sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, il n'a pas eu la connaissance de cette interdiction. Parce qu'il vient juste de rentrer dans l'islam, donc on lui donne l'excuse pour lui, on va lui donner l'excuse de l'ignorance. À la divergence de celui qui est musulman depuis un certain temps et qui vit au milieu des musulmans et qui a la possibilité de se renseigner et qui ne fait aucun effort, comme on va le voir, lui, il y a un takfir à faire. On va voir notamment les paroles de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sur ceci. D'accord? Donc j'ai cité deux exemples. Un exemple où il n'y a pas l'excuse de l'ignorance et l'autre exemple où on va donner l'excuse de l'ignorance. Par contre, pour les deux conditions qu'on a vues avant, qui sont al-aql ou al-boulour, la raison et la puberté, là, il faut absolument. Par contre, pour la connaissance, ça dépend suivant les couffres. Et c'est en étudiant qu'on apprend quel couffre exactement il y a l'excuse de l'ignorance ou pas, et dans quel couffre l'excuse de l'ignorance va s'élargir ou se rétrécir. Ensuite, la quatrième condition, c'est al-qasd. Al-qasd. Qui est le contraire de quoi? El kosd. Donc, es kosd, dire c'est viser quelque chose, d'accord? C'est-à-dire viser quelque chose, donc être vouloir la chose juste, d'accord? C'est-à-dire, et donc son contraire, c'est quoi? Je pense que certains doivent le savoir et doivent se le dire. C'est el khata. l'erreur, se tromper. Donc il faut la quatrième condition pour faire un takfir sur une personne précise, s'il dit ou il fait une parole de kouf, vous remarquerez là encore que je ne dis pas s'il croit. Et vous verrez pourquoi encore, vous verrez plus tard, Inch'Allah, comme je l'ai dit hier, quand la parole de l'imam Nawawi rahimahullah va venir, vous allez comprendre pourquoi je dis toujours une parole ou un acte. Donc, il faut al-qasd, dire que la personne ait voulu cette parole ou ait voulu cet acte. Parce que si c'est une khata, si c'est trompé, eh bien, elle n'a pas de takfir à faire. Maintenant, je vais donner un exemple pour que ça soit plus clair pour certains. D'accord? Parce qu'avec les exemples, s'éclaircit la définition. Une personne, un musulman, ou une musulmane, je prends un musulman comme ça, chez lui, il a posé sur sa table un mushaf. Donc ce mushaf, c'est-à-dire ce livre devant il y a le Coran, d'accord? Il y a le Coran, un mushaf. Et à côté, il y a le livre de, par exemple, de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. D'accord? Il y a le livre de ce kafir qui est Marcel Pagnol, qui a écrit La gloire de mon père. Le musulman, eh ben, il a envie de jeter à la poubelle quoi? Eh bien, le livre La gloire de mon père, de Marcel Pagnol. C'est pas du coup de jeter à la poubelle ce livre de ce kafir. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, les deux sont sur la table. Il va dire, tiens, je vais jeter à la poubelle quand je vais aller au travail. Et il déjeune. Il déjeune. Et il part au travail. Et il prend le livre. Je dis bien le livre qu'il avait eu l'intention, qu'il avait visé, qu'il avait fait le cost pour jeter à la poubelle. Mais sans qu'il ne s'aperçoive, il s'est trompé. Donc il a fait un khata, il a pris le mushaf, le Coran, d'accord? Mais il ne le sait pas. Pour lui, c'est le livre de Marcel Pagnol. Donc il sort dehors, il ouvre le conteneur et il jette dans les poubelles. Quoi? Eh bien pour lui, c'est quoi qu'il jette? C'est le livre de Marcel Pagnol. Mais concrètement, c'est quoi qu'il jette? C'est le mushaf. Et donc, il a fait un acte de kufr. C'est qu'imaginez qu'un autre musulman le voit. Et il voit ce musulman jeter le mushaf, d'accord, le Coran, dans la poubelle. Est-ce qu'il fait un takfir directement? Il fait, ah, c'est un kafir, ah, je le savais. Lui était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien non. On va lui voir cette personne qui a lancé le mushaf dans la poubelle, dans le conteneur. On va dire, eh oh, tu sais ce que tu as jeté? Il va répondre, bah oui, j'ai jeté la gloire de mon père de Marcel Pagnol. Si tu veux, ouvre le conteneur, si tu veux le lire, vas-y, hein, je te le donne, il est à toi. Hein. L'autre qui a vu faire ça, il ouvre le conteneur, lui sort, regarde ce que tu as jeté. Subhanallah. Celui qui a jeté ça, il fait, astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Pourtant, je suis sûr que c'est Marcel Pagnol. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien fait un acte de kufr, il a bien jeté, d'accord, le mushaf dans la poubelle, c'est un acte de kufr. Seulement, ce n'est pas ça qu'il voulait. Il n'a pas eu le cost, il s'est trompé dans les deux livres. D'accord? Donc il n'y a pas du tout de takfir à faire sur lui et il n'a pas fait de péché. Il n'y a pas de takfir 1 et en plus il n'a pas fait de péché. Il s'est trompé quand il a pris le livre. Il s'est empressé et il s'est trompé. D'accord? Donc il n'y a pas de takfir à faire ni de péché. Pourquoi? Parce qu'il s'est trompé. Il n'a pas voulu ceci. Voilà la définition du al-qasd ou al-khata. La chose voulue quand on veut et l'erreur. Il est 21h30. Donc, normalement, le cours s'arrête ici, Inch'Allah. Nous allons continuer demain, bi'idhnillah, le reste des conditions. Et sachez que ces conditions, on va y revenir. Ça va revenir. Tout ce, quand on va étudier notamment le Nawqal Islam et le dernier, ces choses-là vont revenir. La rouz biljal, comme je l'ai dit, va venir avec les arguments. D'accord? Et tout ça va se mettre en place, Inch'Allah. Je vous demande un petit peu de patience. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, Barakallahu fik. Je vous donne de quoi écrire. Prenez vos stylos et vos cahiers. n'ai pas compris la question de Abu Ubaida. Donc s'il pouvait la reformuler, parce que là je n'ai pas compris. Voilà, concerne toi, Barakat. D'accord. Donc là, il y a un frère qui fait la référence, le Dalil, une preuve comme quoi quand on fait quand on se trompe dans le couf, eh bien on n'est pas kafir, notamment le hadith qu'il a comment dirais-je qu'il a visé, ou je vous le fais assez rapidement, où une personne qui était en voyage s'est reposée et quand il s'est réveillé, il n'y avait plus sa monture. Alors qu'il était dans le désert, donc après il s'est rendormi, et quand il s'est réveillé, il a vu sa monture qui était juste à côté de lui, et tellement il était content, il a dit en s'adressant à Allah, Azzawajal, Anta abdi wa ana rabbuk, tu es mon esclave et je suis ton maître. Il s'est trompé, donc cette parole c'est une parole de kufr, mais seulement c'est pas ça qu'il a voulu dire. Et donc c'est le fait qu'il soit très content qu'il a fait tromper dans ses paroles. Donc il a dit une parole de kufr, mais en fin de compte il n'avait pas voulu dire ça. Il s'est trompé, c'est sa langue qui a fourchu, comme on dit. Abu Anfel pose la question: quelle réaction doit avoir le musulman voyant quelqu'un insulter Allah dans un pays où la charia n'est pas appliquée? Donc si une personne, on voit un musulman ou une musulmane insulter Allah Azzawajal et qui a toutes les conditions qui sont remplies, d'accord, que ce soit dans un pays où la charia n'est pas appliquée, dont l'andal kufr, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà on fait un takfir sur lui, donc on dit que c'est un mécréant, un murtad, si les conditions sont remplies. Ça sera bien aussi de le prévenir, peut-être qu'il pourra, peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il se repentira, ce sera bien pour lui. Mais par contre, s'il ne se repent pas, donc il reste sur son ridda, sur son apostasie, eh bien il reste apostat. Donc, comment dirais-je, il rentre comme dans tout apostat qui se trouve dans une terre où il n'y a pas la charia qui est appliquée. Islam a dit, donc le soufi qui a dit « Anal haq » en état d'extase, n'était pas kafir. Si, lui, il était kafir. Parce qu'il ne s'est pas trompé. Il a voulu ça. Il faut comprendre. La personne qui était tellement content qu'il s'est trompé de formule, qu'il a dit à Allah, que Allah c'est ton esclave, que lui c'était le maître d'Allah, c'était pas ça. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, sa langue a fourchu. Il s'est trompé. Le soufi qui a dit « Anal haq » je suis la vérité, c'est-à-dire que je suis Allah, d'accord, même si on est en état d'extase, c'est ça qu'il a voulu. Qasada al-kalam bizat. Il a voulu dire ceci. Il ne s'est pas trompé. D'accord? Oui, celui qui a été exécuté pour Rudda. Exact. Alors, Abu Ubaida dit un soufi, déjà il est mouchik kafir parce qu'il fait du shirk akbar. Donc ça c'est faux. Ubaida, tout soufi n'est pas mouchik kafir akbar. Ça dépend les sectes et les tarikas des soufis. Ça dépend lesquels. Faut faire attention à ça. Ça dépend des soufis. Il y a plusieurs sortes de soufis, plusieurs tarikas, plusieurs degrés d'égarement et autres. Certains sont sortis de l'islam, mais pas tous. De rien. Baraklou fik. Donc Inch'Allah, s'il n'y a plus de questions, on reviendra demain Inch'Allah et on continuera sur les conditions Le takfir et ses interdictions, et comme je l'ai dit, les interdictions, en fin de compte, ce sont ni plus ni moins que les contraires des conditions. Et pour les chiens, alors Abou Khaled dit pour les chiens, est-ce que c'est vraiment en rapport avec le cours qu'il a donné de demander quel est le hukm des rawafid? Ah, Islam a répondu à ma place, et ben voilà. Je n'ai plus la peine que je réponde aux questions. On répond à ma place. Alors les Zaïdis qui sont au Yémen, maintenant à notre époque, sont de deux sortes. Il y a les Houthiyoun qui, eux, ont pris la croyance des Rawafid, d'accord, ce qu'on appelle les Shia, les Mamia. Et à la base, les Zaïdis ne sont pas koufar pour Al-Sunnah al-Jama'a, ils sont égarés, même s'ils ont certaines égarances dans leur croyance. Oui, les Houthis, mais tout Zaïdi n'est pas Houthi, il faut comprendre ça. Tout Zaïdi n'est pas Houthi. Les Houthis, ce sont les Zaïdis qui sont au nord du Yémen. Il y a les Zaïdis qui sont dans tout le Yémen, d'accord? Et en fin de compte, les Houthis, c'est une secte parmi les Zaïdis. Et on ne fait pas le takfir sur des personnes spécifiques des Mu'tazila comme ça. Il faut mettre ce qu'on appelle Iqamatul Hujja. Et là, on rentre justement de dire une parole du couf, mais la personne n'est pas kafir, sauf après avoir posé l'argument. Alors là, on me pose des questions sur l'Ouz Bidjar, dans ce qui est dans Asluddin, dans le fondement de la religion. Et ça, on va revenir, Inch'Allah, et on va prendre certaines paroles. Et ça va venir. Donc, je ne vais pas me développer ici, maintenant, parce que ça va venir dans des cours, et là, on va le développer. Et je vous demandais de patienter pour ceci. Pour ce qui est des Mu'tazila, et de ceux qui disent, par exemple, que le Coran a été créé, là, on revenait notamment qu'était le comportement d'Imam Ahmed rahimahullah, envers ces gens-là. Est-ce qu'il faisait le takfir sur toute personne précise qui disait ça ou pas? Et ça aussi, on va en parler, Inch'Allah. D'ailleurs, quand on y viendra, je donnerai une parole notamment du Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah, pour toutes ces choses qui touchent Asma, les noms d'Allah, Wasifatihi et ses caractéristiques. Alors on demande, qui sont les Mu'tazila? Là, je suis désolé dans la question, là, je ne vais pas vous répondre. Bon, Inch'Allah, apparemment, il n'y a plus de questions sur. Je raconte combien de conditions on a vues. Al-Aql, Al-Buru, Al-Ilm, Al-Qasd. Donc la. Les quatre premières conditions, on a vu les quatre premières conditions, on verra le reste, Inch'Allah, demain, bi'iznillah. Wa sallallahu azza wa jal an yuriani al-haqqa haqqa wa liyarzukani tibara wa yuriani al-batila batila wa liyurzirani al-ijtinaba wa lakum aidan, et pour vous aussi. Donc je vous dis à demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه